Moi, je ne peux écrire qu'à partir d'une mélodie. Si vraiment la mélodie me fait de l'effet, là, je me dis peut-être que je vais pouvoir écrire quelque chose dessus. Parce que si ça ne me fait aucun effet, je ne pourrais jamais écrire quoi que ce soit. Et je ne suis pas sûre non plus de pouvoir écrire quoi que ce soit si elle me fait de l'effet. Mais enfin, c'est quand même la condition sine qua non pour tenter quelque chose. Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir l'auditorium de Radio France. Bonsoir et bienvenue à la Maison de la Radio et de toutes les musiques en direct ce soir pour le dernier temps fort de cette troisième édition de l'Hyper Weekend Festival. À mes côtés, c'est lui qui a tout pensé, organisé, inventé, créé, Didier Varro, directeur des antennes musicales de Radio France, que je vous demande d'applaudir. Bonsoir Didier. Bonsoir Laurent, bonsoir à toutes et tous. Alors cette hyper création, Didier, vous l'avez titré avec Sage, Sage qui a orchestré et puis groupé autour de lui toute une jeune génération d'artistes que je présenterai tout à l'heure. Ils ont tous quelque chose en eux de hardy. Quel casting, mais je réserve ça, c'est mon teaser. Donc cette soirée, vous l'avez titré, Didier, message personnel au pluriel pour un hommage à la grande, c'est ainsi que l'appelle toujours Jean-Marie Perrier. Le titre résonne bien sûr avec un album mythique de 1963, très bonne année, avec cette chanson emblématique bien sûr des amours difficiles, des amours blessés, contrariés. D'abord une chanson parlée, puis chantée, qu'on retrouvera d'ailleurs ce soir interprétée par, je n'en dis pas plus. Françoise Hardy dans cette chanson raconte les mots qu'elle ne dirait pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire, qui sont d'entre deux films, de chansons et de livres. Ce message personnel, elle l'adressait au bout du téléphone. Elle dit « Je sais où vous êtes, j'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître ». Et ce soir, oui, on va se reconnaître en traversant plus de 60 ans de mélodies françaises. Françoise Hardy a fêté en janvier dernier ses 80 ans. Et cette soirée, je sais, Didier, que vous en avez parlé ensemble avec Françoise au bout du téléphone, qu'elle est intervenue dans le choix des titres et que vous avez quelque chose à lui dire, un message personnel, bien entendu, à lui adresser. Mais oui, très chère Françoise, je sais que vous allez nous écouter. Peut-être nous écouter en direct ou bien demain en replay, en différé, si vous n'avez pas pu le faire ce soir. Alors ce soir, je vous vois. J'ai eu tant de mal à vous tutoyer depuis presque 30 ans que je vous connais. Mais vous m'avez finalement demandé de le faire il n'y a pas si longtemps. Mais pour cette soirée exceptionnelle, je vais rester sur le « vous » pour exprimer toute ma fierté et toute mon émotion d'être arrivé à bon port avec cette création « Message personnel au pluriel » de Sage à vous, Françoise. Vous l'avez beaucoup dit ces derniers temps. Vous n'aimez pas les anniversaires, encore moins celui-ci. Alors quand je suis venu vous voir la dernière fois au mois de décembre, vous m'avez effectivement bien répété que vous auriez préféré que j'organise cet hommage pour l'après, quand vous ne seriez plus là. Je vous ai bien sûr rétorqué que j'ai toujours préféré organiser des hommages du vivant des personnes parce que c'est tellement plus beau que de s'adresser à un au-delà qui reste finalement très incertain. Vous avez toujours été franche et frontale avec moi, comme avec les autres d'ailleurs. Vous m'avez parfois engueulé. Vous m'avez toujours dit la vérité, votre vérité, lorsque vous n'étiez pas d'accord avec moi. Parfois, on se sent un peu désarmé par tant de frontalité. Mais vous avez toujours fait preuve, dans cette franchise qui est la vôtre, d'une incomparable fidélité, d'une belle confiance et, au bout du compte, d'une bienveillance qui ne s'est jamais démentie. Alors ce soir, Françoise, nous allons vous célébrer dans la vie. Nous allons vous chanter comme dans le premier bonheur du jour. Nous allons vous démontrer que vous avez eu raison de chanter l'amitié, que nous avons aimé vos chansons moins connues, vos chansons plus aventureuses. Mais pardonnez-nous d'avance de nous autoriser d'interpréter une fois de plus tous les garçons et les filles de mon âge, ce tube de Transistor que vous n'aimez toujours pas, alors que pour nous, cela reste une grande et belle chanson qui nous a offert une première rencontre, un premier coup de foudre avec vous, et ainsi de vous aimer pour la vie. Alors peut-être ce soir, n'aimerez-vous pas toutes les relectures de ce répertoire marqué par votre exigence artistique, mais sachez-le, Sage et son groupe Astral Bakers ont mis la même puissance d'exigence que la vôtre pour offrir de nouvelles parures à vos chansons. Peut-être serez-vous même un peu heureuse et fière d'avoir chanté et écrit toutes ces chansons qui nous collent au cœur et au corps. Vous avez beaucoup d'amis et quelques proches ce soir dans la salle. Votre fils est là, aussi ému que nous, et heureux surtout de pouvoir jouer de la musique, votre musique. Alors soyez sûr d'une chose, Vous nous avez rendus heureux en préparant cette création, et je le sais bien comme vous. Il n'y aura aucune histoire banale gravée dans votre mémoire. Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir. Aucune étoile filante ne vous laissera dans le noir. Aucun trac. Juste le désir irrépressible de prendre pendant une heure et demie en direct sur France Inter le large, mais le grand large des émotions, pour vous et avec vous. Merci Didier. J'ai l'impression que ce soir, ma jeunesse fout le camp une fois de plus. C'est le cas de le dire au vu d'une des chansons que je préfère de Françoise Hardy. Un mot d'abord sur le décor quand même de cette soirée ici à l'auditorium de Radio France. Alors, c'est pas vraiment salut les copains, ça serait plutôt friends. Il y a des tapis au sol, des fauteuils, des canapés de Chesterfield. C'est très club, c'est très côté club, des fleurs, des bougies. C'est vraiment le temps des copains, de l'aventure, en direct sur France Inter. France Inter, en direct de l'Hyper Weekend Festival, Laurent Goumard. Message personnel se décline donc au pluriel ce soir avec un hyper groupe, parce que c'est inouï, c'est du jamais vu, du jamais entendu, autour de Sage. Sage, c'est Ambroise Willaume à la ville. Sage, je vous le présenterai au cours de la soirée. Il a créé un nouveau groupe de pop avec des artistes, auteurs, autrices, compositrices, compositeurs, interprètes, que vous connaissez bien en fidèles tous et toutes de France Inter. Albin de la Simone, Clara Luciani, Keren Ann, Hubert Lenoir, November Ultra, Philippe Catherine, Pyjama, PR2B, Théodora, Thomas Dutronc, Voyou, et je n'oublie pas les Astral Bakers. Concert Sage mais Hardy ce soir. Bonne soirée. Chacun se prépare, tout le groupe s'est formé, on attend le top départ et c'est Sage qui ouvre la séance. Soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, dans nos yeux se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi, et toi aussi tu viendras. Tu pourras partir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages. Donner autour de toi un peu de ta tendresse lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. Oh. Une soirée donc placée sous le signe de l'amitié, c'était la première chanson, 1965, Sage au chant, et on a entendu la trompette de Voyou. Merci beaucoup. Alors, quand on m'a invité à réaliser la direction de cet hommage à Françoise Hardy, il y a deux personnes auxquelles j'ai pensé immédiatement, et elles viennent de nous rejoindre, et c'est Thomas Dutronc et Clara Luciani. Thomas Dutronc qui sera à la guitare et quelquefois au chant, à la guitare en tout cas pendant tout le concert, puisqu'il s'agit d'un groupe ce soir sur France Inter. Ça va? Vous êtes un peu intimidant, mais on est content d'être là. Mes doigts qui jamais ne se lèvent. un mot sur le choix de cette chanson interprétée par Thomas Dutronc, parce qu'en fait, cette chanson a une histoire particulière. C'est la dernière mélodie que Françoise Hardy aura écrite en 71. Ensuite, elle va se consacrer à son talent de parolière exceptionnel. On en a la preuve ce soir. Tu commences ta vie tout au bord d'un ruisseau. Tu vécus de ces bruits qui courent dans les roseaux, qui montent tes chemins, que filtrent les taillis, les ailes du moulin, les cloches du midi, soulignant un sourire, la chanson d'un oiseau. Chose de cinématographique dans l'interprétation de Clara Luciani pour cette chanson des ronds dans l'eau. Peut-être parce que justement cette chanson, le thème de cette chanson, c'est celui du film Vivre pour vivre de Claude Lelouch qui avait réalisé le premier Scopitone, Tous les garçons et les filles de mon âge, de Françoise Hardy. Gracias. toi, Luna. Si je le fais semblant, viens t'enrouler dans mes failles, elles ont comme un goût de sang. Merci beaucoup. Cette fleur de lune ce soir, c'est Théodora. Théodora à la basse et au chant. Elle garde la basse. Le chant passe du côté de Pyjama pour la chanson avec des si. Et on entendra Voyou à la trompette et PR2B à la clarinette. Je voulais juste vous raconter un tout petit peu comment s'est passée la préparation en fait, de cet hommage. J'avais fait ma sélection de chansons avec l'aide de Didier Varro. J'avais écouté une bonne 250 chansons, je pense, de François Hardy, et puis j'en avais retenu une vingtaine. Et puis on a reçu un mail de François Hardy elle-même qui nous a dit écoutez, en général personne ne pense à reprendre les chansons que je vais vous envoyer, mais ça me ferait vraiment très plaisir que vous les repreniez. Elle nous a envoyé une liste de 50 chansons, toutes plus inconnues les unes que les autres. Et il n'y en avait aucune que j'avais sélectionnée, qu'on avait sélectionnée avec Didier. Et du coup, on a recommencé la sélection et la prochaine chanson s'appelle Avec des si, elle fait partie de la liste de François Hardy. Sage change de guitare, Pyjama est tout en paillettes, avec des si sur France Inter. Thank you. pratique si nous avions osé une fois nous parler. Voyou. Voyou s'avance avec sa trompette avant de passer au chant tout à l'heure. Et qui est-ce qui rentre en scène ? Le grand Philippe Catherine. Exposer mes yeux. derrière un Kleenex, je saurais mieux comment te dire adieu. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, je saurais mieux comment te dire adieu. Philippe Catherine vous a rejoint. Et Voyou et Pyjama, donc le trio avec tout le monde. Hein. Il y a Albin de la Simone que je vois derrière son piano. Philippe Catherine reste en place pour le titre suivant, le titre « Le tube », pas tant aimé que ça par Françoise Hardy. Bien, Pyjama et toi ? C'est ton premier concert ? Oui, je suis novice, c'est ma chance. Une chanson maintenant que personne ne connaît quasiment. Voilà, c'est ça. Sublime. Sauf tous les garçons et les filles de la salle. Ça, c'est à voir. Garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est d'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux sans peur. Personne m'aime, mais jour comme minuit sont en tout point pareil, sans joie et plein d'ennui. Personne. Pyjama en duo pour cette version malicieuse de Tous les garçons et les filles de mon âge, une chanson de Françoise Hardy dont Philippe Catherine dit qu'elle est réconfortante. Françoise Hardy, dit-il, est une reine. mais pas une reine mère, une reine sœur. Voyou s'installe à la guitare, il a laissé la trompette. Il va donner sa version d'une chanson un peu méconnue de Françoise Hardy, Même sous la ça pluie. Ça va, la maison de la radio, tout le monde va bien? Je me permets de parler un tout petit peu juste avant, parce que c'est extrêmement intimidant d'être devant vous comme ça, juste avec une guitare et une voix. Je vais vous interpréter une chanson que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Même sous la pluie ». Même sous la pluie, dans le vent, mon amour, je t'attends. Mon amour, je t'attends. Mon amour, je t'attends. Même si la nuit dans le temps, même au jour trop souvent, mon amour, je t'attends. Mon amour, je t'attends. Même si mon corps est mouillé, mon amour, il peut encore te brûler, mon amour. Comme un oiseau dans le vent, au retour du printemps, mon amour, je t'attends, mon amour, je t'attends. Version signée Voyou, épurée juste la guitare pour ce titre, Même sous la pluie. C'est un des titres de l'album préféré de Françoise Hardy, La question en 1971, en collaboration avec une chanteuse brésilienne, Tuca, qui signait quelquefois les paroles et les musiques. Là, c'était la musique. Sage revient sur scène. Théodora à la basse. Albin de la Simone. Je voudrais en profiter pour au piano. Présenter les Astral Bakers, et je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. C'est son groupe, quatre amis, comme on dit, quatre amis, je sais, pas de liaison. Comprenne qui pourra. C'est Théodora, ici présente, en duo avec Albin de la Simone, qui venons chanter une chanson du dernier album, parce que c'était important pour moi de jouer des morceaux qui soient de toutes les époques de la carrière de Françoise Hardy. Et c'est une chanson de son tout dernier album, composée par la grande Sophie, qui s'appelle Le Large. Tout sera loin, là au final. dans mes yeux délavés. Aucun sable ni la dune n'arrête le sablier. Aucun quartier de lune, aucun. Et demain, tout ira bien. Que toi. Aucune clé à bord, aucune chance pour moi. Et demain, tout ira bien, tout sera loin. Le testament, il y avait Théodora, Alban Lassimone, ils viennent de dire, et Nicolas Sage. Alors un mot quand même sur Sage, parce que je n'en ai pas dit grand-chose. Sage, c'est lui qui orchestre ce soir ses messages personnels, et c'est lui qui a réalisé les deux albums de Clara Luciani. Ça en fait une des personnes les plus puissantes aujourd'hui dans le monde de la pop française. Donc, même si je ne vous le dis pas, vous reconnaîtrez, je pense, qu'elle a été écrite par Alain Souchon. Albin de la Simone au piano. Je voudrais qu'il me caresse et il me caresse pas. Je veux qu'il dise qu'il m'aime et il me le dit pas. Ça me rend malheureuse, ces différences-là. C'est bien moi d'aimer ce garçon qui m'aime pas. Je mange du pain, du beurre, et j'attends qu'il me sonne. Quand je parle à tout le monde, je dis à personne qu'il a une dégaine, des yeux beaux comme tout. C'est bien moi d'aimer ce garçon qui s'en fout. Sa pull, ses mili, son cuir, ses bottines. J'aime les gens qui se cachent et qui font leur frime. Derrière ces durs-durs, il y a comme une douceur. C'est bien moi d'avoir ce tocard dans le cœur. Est-ce que c'est comme moi, aussi les autres gens? Est-ce que je suis toute seule avec mes battements? Je voudrais qu'il me caresse et il me caresse pas. L'amour, mon amour, tu vois, j'aime pas ça. L'amour, mon amour, tu vois, j'aime pas ça. C'est bien moi, un titre des années 80, période un peu difficile pour Françoise Hardy. Et tout de suite, on retrouve une autre période, celle qu'elle a préférée. Retour à l'album La Question avec la chanson titre, parole Françoise Hardy, musique Touka, une chanteuse brésilienne qu'adorait Françoise Hardy à ce moment-là. La chanson préférée de Thomas Dutronc, de Clara Luciani, de Voyou. Je crois qu'on peut applaudir à nouveau Albin de la Simone. Et c'est Keren Ann qui va poser la question. Si tout le monde se met en place, ça y est. La prochaine chanson est un peu particulière parce que... Bonsoir. Il a l'air d'avoir un micro. C'est bon ? Ah, c'est toi. D'accord. Non, ce que j'allais dire, c'est que la prochaine chanson est un peu spéciale parce que quand j'ai préparé ce concert, cette soirée, que j'ai commencé à contacter un peu tout le monde, savoir s'ils voulaient en faire partie, bizarrement tout le monde a dit oui, j'ai commencé à savoir un peu, à essayer de savoir qui voulait chanter quoi, et presque tout le monde m'a répondu La Question. La chanson La Question, qui fait partie de l'album La Question, qui est un album sublime. Et c'est Keren Ann qui m'a convaincu parce que toi, tu m'as dit, de toute façon, c'est La Question ou rien. La raison, c'est que la première fois que j'ai joué cette chanson, c'était il y a 24 ans, devant Françoise Hardy, à une soirée à la SACEM. Et je tremblais tellement qu'il fallait que j'ai une deuxième chance. Keren Ann, s'il vous plaît. Et à la clarinette, vous entendrez Père de Bruit. Je ne sais pas qui tu peux être. Je ne sais pas qui tu espères. Je cherche toujours à te connaître. Et ton silence trouble mon silence. Je ne sais pas d'où vient le mensonge. Est-ce de ta voix qui se tait? À la mienne, on se perd bien trop souvent. Et chercher à te comprendre, c'est courir après le vent. Sans réponse, mon cri muet. Karen Anne, c'était plus qu'une deuxième chance. C'était vraiment une magnifique interprétation de cette chanson culte pour toute la scène qui est présente ce soir. On avait entendu la clarinette de PR2B. Depuis le début du concert. Et c'est elle qui va prendre la voix. La clarinette au saxophone. Je vous demande d'applaudir PR2B, s'il vous plaît. La scène franco-française va s'ouvrir au Québec avec l'arrivée de Hubert Lenoir sur une chanson « Le Danger ». Alors « Le Danger », c'est un album qui revient de loin puisque en 88, François Hardy avait décidé de tout arrêter. La promotion, tout ça, ça ne l'intéressait pas, ça la faisait fuir. Il lui faut alors rencontrer l'auteur-compositeur Alain Lubrano pour que tout recommence. 1996, 22e album, « Le Danger ». Sage au piano à queue, Théodora à la basse, Nico à la guitare électrique, Pierre de B au chant et Hubert Lenoir au chant. Alors, j'avais vu s'avancer Hubert Lenoir, je ne l'ai pas entendu dans cette version. Je me suis trop avancé moi-même, mais je le vois sur la scène avec une chapka sur la tête. Des Hubert lunettes Lenoir noires. Qui bah, voilà. est venu spécialement du Québec pour cette soirée. Et pour une chanson toute gainsbourgienne, L'Anamour. Je voulais faire une entrée vraiment cool. Problem solved. Ok. Attends, je vais faire comme si j'ai... Attends, on refait l'entrée du Berle-Noir. On va refaire l'entrée du Berle-Noir, ça mérite, avec un, alors, un costume pareil. La prochaine personne. C'est bon? Aucun Boeing sur mon transit. Oh. Je chante pour les transistes, le récit de l'étrange histoire de mes un amour transitoire, de belles voix dormantes qui dorment. Alright, let's go. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sais me dégrader de pas pousser les pavés de l'amour. Salut tout le monde, je m'appelle Hubert Lenoir, je viens du Québec, je viens juste d'arriver. Ça va? Tu sais ces photos de la scie que j'ai prises à 200 à ça. Maintenant que tu n'es plus là, leurs couleurs vives ont pâli. J'ai cru entendre les hélices d'un quadrimoteur, mais hélas, c'est un ventilateur qui passe. Et au ciel du poste de police, comment tu vas? Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sais bien des grains de babos sur les pavés de de jet lag pour Hubert Lenoir. Hubert Lenoir qui fait le show, qui prend la peau sur ce titre de Gainsbourg. Le public du 104 plébiscite la prestation. Vous écoutez Message personnel, création Hyper Weekend Festival sur France Inter. C'est ça. Tu veux parler de la prochaine chanson? Tout s'est bien passé. T'es pas obligé. Ouais. Jusque-là, ça va? Ouais, jusque-là, ça va, mais pas trop mal. Écoute, oui, j'avais envie de faire une chanson qui n'est pas très connue, qui a interprété ma maman. Et c'est M. Gabriel Yared qui a composé cette magnifique musique. Et Michel Jonas en avait fait les paroles. Ça s'appelle « Que tu m'enterres ». On l'a répété il y a peu. Alors, on l'a prévu. C'est-à-dire que le concert était scellé. Tout était prévu et puis... Tu m'as dit il y a deux jours, écoute, je crois qu'il y a une chanson que je voudrais faire en plus. C'est une de mes préférées. Après, je la préfère interprétée par ma mère, mais tant pis, je vais la faire quand même. Vous irez écouter la bonne version après. Vous avez reconnu Thomas Dutronc sur France Inter. Mais pourtant, c'était bien. Qu'est-ce qui dégringole si vite, qui jaunit comme un bouquin? C'est pas là. Thomas Dutronc et l'accolade avec Sage. Sage qui est l'organisateur, l'orchestrateur et celui qui a regroupé autour de lui ce groupe de pop complètement inédit. Nova, vous m'entendez? Nova, c'est à nous. Ouais. November Ultra. November Ultra fait son apparition sur scène pour un des titres des années 60, Mon ami la rose, troisième album. Je me disais que j'avais beaucoup de chance d'être assise là aux premières loges. Est-ce que vous allez bien ? J'ai quand même vérifié l'accord de cette guitare. Sage s'accorde. Mon ami la rose, mon ami les roses, quand on voit la robe fleurie de November Ultra. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil. Me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses. Et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête. Et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me sourit. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Je suis très stressée parce que je chante pas en français d'habitude. Et les chansons sont si belles. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. C'est vrai que November Ultra November est plutôt Ultra. Adepte de la bedroom pop anglo-saxonne. Donc premier titre en français pour elle. Elle reste sur la scène et on continue avec Clara Luciani qui va la rejoindre pour un autre tube des années 60, Le temps de l'amour. Et le compositeur de la musique n'est autre que Jacques Dutronc. Ils sont partout. C'est long. Au bout du téléphone, il y a votre voix. Et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Qui sont dans trop de films. On a un petit souci technique. C'est dommage parce que ça arrive sur ma chanson préférée. Mais je me dis que peut-être on peut un peu chanter en attendant que tout revienne à la normale, parce que je crois que tout le monde ici connaît ça. Oh, Merci. Superbe finale, ultime message personnel délivré ce soir par Clara Luciani. Et tout le groupe était présent sur scène avec Albin de la Simone, Clara Luciani, Kerena, Hubert Lenoir, November Ultra, Philippe Catherine, Pyjama, PR2B, Théodora, Thomas Dutronc, Voyou, November Ultra, les Astral Bakers. Je fais double emploi parce qu'en fait, ça, je présente tous ses amis. Albin de la Simone. Personne n'a été oublié. Hubert Lenoir. Public debout pour rendre cet hommage à Françoise Hardy. Un hommage vivant et vibrant ce soir dans l'amphithéâtre. Clara Luciani. L'auditorium à 360 degrés de Radio France. Et pour Thomas Dutronc. Et pour Serge. Pour Serge. Et les Astral Bakers. Astral Bakers, c'est son Théodora, groupe. Nico. Merci beaucoup. Merci à Didier Varro, à toutes les équipes de France Inter, de l'Hyper Weekend Festival, aux trois Julien de Morgan Prod. Merci à tous ceux qui nous ont accueillis ici. C'était un challenge incroyable et c'est vraiment grâce à eux. Merci à notre équipe, à Sarah, à Giuliano, à tout le monde, nos management. Merci beaucoup. Thomas Dutronc qui a repris la main à la guitare pour entraîner tout le monde dans un cœur final sur ce message personnel. Public debout, en cœur, c'est une communion ce soir sur France Inter. Le groupe va me rejoindre dans quelques instants, mais je voudrais qu'on écoute Thomas Dutronc que j'ai pu exfiltrer des répétitions. C'était cet après-midi. France Inter. En direct de l'Hyper Weekend Festival, Laurent Goumard. Thomas Dutronc, sorti de filage de messages personnels, hommage à Françoise Hardy, votre mère. J'imagine que vous en avez parlé avec elle. Quelles étaient ses impressions, ses sentiments ? Elle trouve ça étrange qu'on lui rende un hommage alors qu'elle est encore vivante. Ça, je peux imaginer, oui. C'est son humour particulier. Mais non, je crois que ça l'inquiète un peu. Mais qu'est-ce qui l'inquiète ? Je sais pas. Elle se fait du souci pour. Elle est dans un état maintenant aujourd'hui, malheureusement, avec ses soucis de santé où tout l'inquiète, tout l'angoisse un petit peu. Donc, mais je suis sûr que ça lui fera plaisir au bout du compte. Je suis sûr qu'elle sera heureuse et fière de se rendre compte de tout cet amour qu'ont toutes les jeunes générations et les autres. Elle vous a parlé du choix de cette chanson que vous allez interpréter, Que tu m'enterres. 1980, c'était l'album Gin Tonic, musique Gabriel Yared, et les paroles, c'était Michel Jonas. Mais en fait, ça s'est décidé là, il y a deux jours, parce que comme c'est un multi-artiste, moi je suis arrivé, on m'a proposé de faire Doigt et Le premier bonheur du jour. Mais Doigt, c'est une toute petite chanson, Le premier bonheur du jour, on le joue en duo, donc j'avais envie d'avoir une chanson à moi. C'est quand même ma maman, donc j'aurais bien chanté, je sais pas, L'amitié ou Des ronds dans l'eau, un truc comme une chanson, on va dire, connue et qui fait du bien au cœur et à l'âme. Mais malheureusement, tout était déjà assigné et tout ça, donc j'étais un peu arrivé trop tard dans la course. Mais ça, je m'ai dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une chanson que tu connais, qu'on pourrait rajouter ? J'ai pensé à Ma jeunesse sous le camp d'abord. Finalement, la couleur de Que tu m'enterres était moins utilisée, donc je me retrouve à faire deux chansons assez méconnues de ma mère, mais qui sont très belles. Les versions originales, en plus, il y a des cordes de Gabriel Yared et tout, c'est magnifique. J'ai été troublé par ce choix parce que moi, je pensais que vous alliez choisir une chanson composée par Michel Berger parce que je me suis souvenu de ce que m'avait confié votre mère il y a quelque temps sur France Inter. moi, j'étais enceinte quand j'ai enregistré. Je crois que si Thomas a le sens de la mélodie, c'est parce que c'est que les premières mélodies qu'il a entendues, c'était des mélodies de Michel Berger quand il était tout bébé, qui ne parlait pas encore. Moi, j'écoutais tout le temps le premier album de Véronique et on le lui mettait tout le temps et parce que ça le calmait instantanément. Ça vous calmait. Écoute, ouais, Thomas Dutronc. Moi, je me rappelle de Baïa, que ma mère me chantait Baïa de Véronique Sanson, et j'ai un souvenir comme ça dans un hamac, dans le jardin en Corse, pendant l'été, comme ça, la sieste, c'est assez fantastique. C'est vrai que j'ai eu de la chance d'écouter des jolies musiques avec des beaux accords, c'est vrai, c'était peut-être pas Duke Ellington ou Coltrane ou Miles Davis, mais enfin, c'était déjà pas mal, quoi, franchement, donc j'ai été verni pour ça. Est-ce qu'elle vous a composé une chanson pour vous ? Il y a tant de belles choses où elle s'adresse à moi. Et Jacques Dutronc pensait que c'était pour lui. Ouais. Et ben non, c'était il pour vous. Tout à lui. Mais toujours, toujours. Et lui. Et comment elle vous a dit que c'était pour vous, cette chanson ? Tant de belles choses ? Ah bah elle me l'a dit plein de fois. Oui, oui. Parce qu'elle radote un peu maintenant, forcément. Bien sûr, elle va être ravie d'apprendre ça. Non, mais on sent que maintenant elle est dans l'urgence de transmettre des vérités, des histoires et voilà, qui comptent pour elle. Donc parfois, forcément, elle répète les choses, mais c'est normal, c'est la vie. Quel message personnel vous voudriez lui adresser ce soir, puisqu'elle écoute France Inter ? Bah que je l'aime très fort, ça elle le sait, qu'il y a un amour entre nous qui ne mourra jamais, qui a existé, qui existe et qui existera. Très fort, une bulle comme ça qu'on a eu la chance de vivre, mais aussi qu'il y a plein de gens qui l'aiment vraiment, et plein de gens qui se soucient de sa santé, il y a plein de gens qui aimeraient... Elle a un rôle à part, hein, c'est vrai, on me le rappelait l'autre jour dans une interview qu'elle a été la seule artiste francophone à être dans les 200 meilleurs artistes de tous les temps cités dans le Rolling Stone aux États-Unis. Donc c'est quand même une immense fierté, mais voilà, parfois on aimerait l'entourer, lui donner encore plus d'amour et de tendresse et de chaleur, parce que je la trouve un peu seule, mais à chaque fois elle me rassure qu'elle me dit « Non, je me sens pas seule, je suis pas seule, je me sens pas seule. » Mais moi, je la trouve un petit peu seule, quoi. Voilà, j'aimerais qu'elle aille mieux, qu'elle soit un peu plus entourée, mais enfin, elle l'est déjà par des... Il y a des femmes extraordinaires qui s'occupent d'elle, et puis des amis aussi, donc voilà. Une dernière question, est-ce qu'elle vous a lu, une fois, une des lettres que Bob Dylan a pu lui envoyer ? Ouais. Ah ouais ? On en a parlé, ouais, il y a peu de temps, elle a retrouvé ça, elle avait pas... s'était pas rendu compte, ouais, qu'il avait eu un crush... Enfin, tout le monde avait eu un crush sur elle, hein, c'était... Que ce soit en France ou ailleurs, elle était d'une beauté... surnaturel et sa voix suivait vraiment. Donc, elle est assez inégalable pour ça. Hein. Oui, je ne sais pas comment définir sa voix, mais très pleine et très sincère et très pure. Et ça tombe sous le sens, quoi. Ouais. Merci Thomas Dutronc. Merci à France Inter d'avoir organisé ce bel hommage. Inter. En direct de l'Hyper Weekend Festival, Laurent Goumard. Thomas Dutronc que j'avais pris au moment des balances et qui revenait sur la voix de sa mère. Comment la définir ? Une voix qui se pose sur la musique. Qui vient d'entrer dans le studio ? Voyou qui a laissé tomber sa trompette. Hubert Lenoir ! Sans jet lag, vous avez mis le feu, Hubert Lenoir, avec votre chanson. Avec jet lag en plus. En fait, jet lag, mais alors. J'ai dormi, je me suis levé à 1h30 de l'après-midi, presque. Je me suis revenu ici, puis j'ai fait le concert. Mais non, j'ai presque pas dormi. Et pourtant, t'es le plus en forme de nous tous. Ah non, moi, je suis en forme. Je me sens complètement en forme, voyou. Et vous, Clara Luciani arrive. Sage, restez ici. Clara va me rejoindre. On a 3 micros, on en a 4. On est des communistes, on va tout partager ce soir. Ça fait plaisir de vous voir. Bah oui, moi aussi. Avec ce dernier message personnel. Sage, alors, ouais. Ça y est. Ah bah ça y est. Ah bah c'est fait. Quelle aventure. Non, vraiment, le temps de l'amour et de l'aventure, manifestement. Ah, ouais. Complètement, ouais. Ah, il y a November Ultra. Il y a November Ultra, mais ça y est, sympa. Presque tout le monde. Bonjour va les familles. Non mais c'est vrai que c'était, je pense que c'était peut-être le concert le plus exigeant de toute ma vie, parce qu'on a monté un répertoire quand même de presque 20 chansons avec 10 personnes, 10 chanteurs, chanteuses avec des univers tellement différents, larges, et puis Et puis on a essayé de, voilà, d'être exigeant à tous les niveaux, au niveau de la musique et de... Bah, comme elle l'est, comme Françoise Hardy. Comme elle l'est, de rendre hommage à ça. Je sais exactement ce qu'elle pense de la musique, des orchestrations, des arrangements. Donc on a essayé de, voilà, d'honorer cette exigence-là et ça s'est plutôt bien passé. On a, ça fait depuis le début de la journée qu'on fait des réglages et tout et ça aurait pu se passer moins bien. Donc on est plutôt content. Hubert Lenoir, Françoise Hardy, ça représentait quelque chose pour vous? Moi, ma mère, elle a aucun lien avec la culture, avec la musique. Puis elle s'est jouée juste une chose au piano, c'est tous les garçons et les filles. Ouais. Fait que ça représente à quel point, même au Québec... sa musique est importante. Mais ce qu'Ambroise a fait, hein, c'est vraiment impressionnant. Les gens, ils réalisent pas... Ambroise, c'est sage, hein, parce que les gens vont se dire, mais ils sont combien là-dedans? Sage. Les gens réalisent pas à quel point c'est exigeant comme job énorme qu'il y a eu à faire. C'est vraiment impressionnant. Merci beaucoup. Tous les garçons et les filles de mon âge, je crois que c'est votre chanson préférée parce qu'elle a une histoire pour vous, November Ultra. Moi, c'est la toute première chanson que je me souviens avoir entendue de ma vie. Je me souviens que mon père avait le 45 tours du single. Et c'est vraiment dans mes mémoires, dans mes souvenirs d'enfant, quoi. C'est la première fois que je me souviens avoir entendu une chanson et avoir compris les paroles. Et m'a dit, ça a l'air terrible, j'espère que ça m'arrivera pas, cette chanson, dans ma vie. Et j'ai eu l'impression que si, ça a été toute ma vie, aucun ni garçon ni fille de mon âge n'a voulu de moi. Sage, il y avait une chanson qui a cristallisé tous les défis, c'est La Question, vous en avez parlé, puisque en fait c'est la chanson préférée de Voyou, c'est ce que je disais dans son entretien, la chanson préférée de Clara Luciani, la chanson préférée de Thomas Dutronc, et puis c'est Keren Ann qui a décroché le pompon. Quelle était, vous l'avez dit, c'est ça ou rien. Quel était le challenge pour cette chanson très particulière? C'est l'album La Question, c'est Touka qui était une musicienne et chanteuse brésilienne qui avait travaillé sur cet album avec Françoise Hardy. Pour le réarrangement, l'orchestration, là, il ne fallait pas se tromper. Non, c'est vrai que c'est une chanson dans l'enregistrement d'origine qui est très, très vivante, qui suit un rythme, qui suit complètement la voix. Et puis, ils ont même gardé des erreurs, je ne sais pas, peut-être que François Hardy pourra le confirmer, mais au moment du pont, il y a une note qui est vraiment étrange, qui arrive au violon, et on a l'impression qu'ils ont gardé cette prise parce qu'elle était live et qu'elle était magique dans l'ensemble. Et du coup, c'était rendre un peu cet aspect sur un fil, quoi, vraiment sur le fil du rasoir, et d'essayer de suivre au maximum la voix de Keren Ann. Et donc, c'est une chanson qu'elle avait déjà reprise. Donc aussi, c'était sa deuxième chance, comme elle dit. C'était sa deuxième chance, et puis c'était une version différente de ce qu'elle avait fait, donc c'était nouveau pour tout le monde. Mais beaucoup de chansons étaient comme ça, vraiment sur une crête. Où tout pouvait s'effondrer et ça tenait souvent à un fil, et c'est génial quand ça marche. Il y a une chanson qui est sur la crête, c'est celle que vous avez interprétée, Clara Luciani, c'est Message personnel. La partie parlée, le texte est de Françoise Hardy. La partie chantée, le texte est de Michel Berger, qui composait aussi la musique. Quelle est la difficulté, outre la difficulté technique que vous avez rencontrée, pour cette chanson? Pour cette chanson, comme pour les autres ce soir, pour moi, la difficulté, c'était d'essayer de pas trop penser à Françoise, en fait. parce que j'avais très peur, en fait. Je me disais, je crois qu'elle va nous écouter, j'espère. Et j'avais vraiment envie que ça lui plaise. Et j'étais très, très stressée par ça. Et puis, je crois que c'est des chansons aussi que j'ai tellement écoutées que j'avais envie d'apporter quelque chose de personnel. Et ça m'a mis du temps, je crois, avant de vraiment réussir à m'approprier ces chansons-là. Mais je suis très heureuse de cette soirée. Je suis terriblement fière de Sage. Il continue de m'éblouir. Il excelle dans tout ce qu'il fait. Voilà. Bien sûr, c'est un complice de la première heure pour les deux premiers albums. Et vous, Voyou, on vous a entendu à la trompette, notamment sur la chanson de Gainsbourg. C'est pas l'amour, c'est la précédente. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Oui, mais on vous a entendu aussi chanter. Quelle était la difficulté, s'il y en avait une pour vous? Est-ce que vous pensez à Françoise Hardy quand vous avez interprété vos titres? Pas trop, je crois. Je pense plus aux gens qui sont en train... en tout cas, quand je joue de la trompette, je pense plus aux gens qui sont en train de chanter devant. Je me dis, mon Dieu, ils sont en train d'affronter un mur de gens 360. Mais c'était hyper impressionnant, ce truc. Donc, moi, je suis à la trompette, je suis derrière sur un canapé. En plus, j'ai eu la chance d'arriver sur le concert avant même de commencer à jouer et d'y être jusqu'au moment où je fais ma chanson, qui était un guitare-voix, qui était pour le coup le moment stressant. Mais le reste, c'était plus... J'étais en empathie pour les gens qui montaient sur scène, qui arrivaient directement des loges et qui commençaient à chanter devant vraiment cette arène incroyable, quoi. Ce qui est intéressant aussi dans le parcours de Françoise Hardy, c'est qu'elle commence dans les années 60, où tous les autres reprennent des tubes anglo-saxons. C'est le moment des adaptations, hein. Salut les copains, c'est véritablement ça. Elle a un registre très différent, ça. Est-ce que vous avez identifié, vous qui avez écouté plus de 200 chansons, ce qui s'est passé à cette période-là? Bah, c'est déjà sa personnalité, sa façon de chanter qui était assez révolutionnaire à l'époque parce que il y avait tout devait être toujours très souriant, surjoué, joyeux. Vraiment, il y avait ce côté. On sortait des années 50 et un peu de début de la télévision, donc il y avait ce truc. Fallait capter les gens et les distraire. Et elle a proposé quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus intérieur, et c'était excessivement risqué. Et en fait, si ça a réussi à exister et à marquer autant les gens, c'est que c'était vraiment exceptionnel, en fait, et que sa présence, sa voix, c'était elle qui pouvait faire ça. Il va y avoir un acte 2 au Printemps de Bourges, le 24 avril prochain. Tout à fait. Donc, j'imagine, avec changement de quelques titres, changement aussi de casting. Il va y avoir des fidèles, des récurrents, mais c'est tout ça est encore à continuer de définir. C'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir envisager cette création en deux parties et en fait le répertoire de Françoise Hardy est tellement vaste que déjà plus on avançait dans les répétitions, plus on rajoutait des morceaux. On a fini avec 20 chansons et faire 20 chansons sur 300, 200, je sais pas combien il y en a en tout, mais et qui sont toutes bonnes en plus, vraiment. Oh, oui. C'est-à-dire que quand j'ai reçu la liste de Françoise Hardy qui me dit voilà les 50 chansons qu'il faut absolument reprendre, et j'en connaissais pas une seule, et je les ai écoutées, elles étaient toutes géniales. Et on en a repris 3 ou 4 ce soir. Et donc, avoir deux opportunités de reprendre ces chansons, je crois que c'est une bonne chose. Est-ce que dans sa liste, il y avait J'écoute de la musique soul, qui est une des chansons que j'adore? Je ne crois pas, désolé. Peut-être que vous pouvez venir la faire à Bourges. Mais pourquoi la place pas est encore à prendre. Il y a encore des titres à prendre. Est-ce que vous y serez tous, November Ultra, Voyou, Hubert Lenoir? Est-ce que Hubert Lenoir, vous allez revenir du Québec pour le Printemps de Bourges? Ça dépend. J'avais bougé des dates de studio pour être ici ce soir. Puis je les avais reportées dans le temps de Bourges. Mais j'ai tellement eu de plaisir ce soir que j'aimerais peut-être bien revenir. Tu sais, je suis bien vu pour vrai? Ah ouais, à 1000%. Ouais, merci sur l'enregistrement. je vais revenir. Vous avez tous et toutes eu le choix de vos chansons ou ça? Ah voilà, je vois November Ultra. Non? Non, mais en fait, c'était une bonne chose, j'ai trouvé, parce que, par exemple, donc moi déjà, j'ai pas l'habitude de chanter en français. Exactement. Donc c'était vraiment une première fois. Et il y a eu quelque chose où ce qui est beau avec ça, c'est aussi qu'il voit quel vêtement va nous aller le mieux, ou en tout cas, quelle maison va pouvoir habiter d'une façon qui soit un peu différente de celle de l'original, mais en même temps assez proche de ce qu'est l'essence de la chanson. Et moi, je me souviens, tu étais venu me voir à un concert, et juste après le concert, tout de suite, il m'avait dit « Ça y est, je sais, les deux chansons tireront incroyablement bien, et ce sera Mon ami la rose et Le temps de l'amour. » C'est-à-dire la période des années 60. Ouais. Ouais. Ouais. Sage ? Bah non, c'est vrai que j'ai eu deux, trois un peu visions comme ça, très spontanées de certaines chansons qui iraient à certaines personnes. Et c'est le cas notamment de Philippe Catherine pour Tous les garçons et les filles. Je l'entendais le faire. Et quand il est arrivé, j'étais voilà. Mais c'est exactement ça. Il y a même une sorte de malice dans le fait de s'approprier le texte. Ouais. Complètement. Et puis, c'est vrai qu'il a ce don de faire du Philippe Catherine, quel que soit l'accompagnement, il est très fort pour ça. Et puis je suis très très content aussi de la chanson que Voyou a reprise, qui est une chanson de l'album La Question, qui est magnifique et qui lui allait hyper bien. Et... Bah oui, quand on s'intéresse au Brésil, on s'intéresse à La Question, oui, Voyou. Mais du coup, moi j'étais content de pas chanter la chanson La Question, parce que comme ça je pouvais l'entendre ce soir, ce qui était quand même plutôt cool. Mais par contre, j'ai eu aussi une chanson qui a été composée par Touka aussi, et jouer, et j'avais cette guitare à jouer qui est incroyable, et on s'est un peu pris la tête avec Sage sur comment la guitare est accordée, qu'est-ce qu'elle est en train de jouer, on savait pas trop, et c'est un peu la magie de quand on se retrouve à aller reprendre de la musique qui est faite à l'autre bout de la planète, c'est qu'on essaie de deviner comment les gens fabriquent la musique, et là on s'est un peu pris la tête, mais ouais. Au final on était content de trouver ça, et ça nous a appris à jouer de la guitare d'une autre manière encore. Donc c'est sûr. Et bien on va se quitter avec le titre des tout débuts, il a été chanté ce soir par Philippe Catherine et Pyjama, 1962, Françoise Hardy, sans Hardy, elle a choisi sa voix, ce sera la musique, il lui faut passer à l'acte, c'est la force des timides, ça commence par un désir, non, plus que ça. Mon fantasme, c'était de faire un disque et je ne voyais pas au-delà. C'était de le faire, tant pis si personne ne l'écoutait, si jamais, mais c'était de faire un disque, je ne sais pas pourquoi. Et donc j'avais omniprésent à l'esprit la pensée que si je ne faisais pas ce qu'il fallait pour passer une audition et savoir s'il y avait la moindre possibilité d'enregistrer un disque, je le regretterais toute ma vie. Et pourtant, en même temps, je partais, mais perdante à 100%, hein, je partais totalement, j'avais besoin qu'on me dise non, ça va pas, vous n'êtes pas faite pour ça, j'avais besoin qu'on me le dise. Comme il y avait Johnny Hallyday qu'on commençait à entendre et que je trouvais ses albums très très mal réalisés, si je peux oser le dire, et je m'étais dit tiens, je m'étais renseignée, j'avais vu que c'était la maison Vogue, sa maison de disques, et je m'étais dit tiens, chez Vogue, ils doivent être un petit peu moins difficiles qu'ailleurs. Je vais tenter ma chance chez Vogue. Et j'ai appelé et on m'a dit « Ah, mais justement, nous cherchons un pendant féminin à Johnny Hallyday. » J'avais un faible pour la chanson « Tous les garçons et les filles ». Enfin, j'étais assez fière de cette chanson. Mais je suis étonnée quand j'y repense parce que je n'y connaissais rien. J'étais très jeune et très ignorante, donc. Et le fait que j'ai pu avoir le discernement de constater que c'était pas bien ce qui se passait derrière, ça m'étonne de moi. Mais bon, s'il y a une qualité qu'on peut pas lui enlever, c'est l'authenticité, parce que elle exprime exactement mon ressenti de cette époque-là. Je pensais avoir une existence de religieuse, mais pas au chocolat. Donc, à cause de ce que ma grand-mère m'a toujours seriné, que j'étais moche, que jamais, jamais je plairais à personne, que les garçons, tout ce à quoi ils pensaient, c'était coucher avec les filles, mais que ça s'arrêtait là, etc., etc. Et tout le monde voulait prendre, y compris la maison de disques, voulait prendre comme titre à promotionner, il y avait déjà ces problèmes-là, la chanson « Je suis d'accord ». Alors moi, j'étais tellement terrifiée, parce que je trouvais que « Je suis d'accord », on ne pouvait pas rester immobile comme une grande perche stupide avec cette chanson-là, il fallait quand même bouger un peu, et je m'en sentais incapable. Puis je préférais vraiment « Tous les garçons et les filles ». Une chanson maintenant que personne ne connaît quasiment, et qu'on trouve sublime. Sauf tous les garçons et les filles de la salle. Ça, c'est à voir. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux. Garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est d'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Et mais moi, je vais seul par les rues, la peine. Ouais, mais moi, je vais seul. Car personne ne m'aime, mais jour comme minuit sont en tout point pareil, sans joie et plein d'ennui. Personne. Projet de... garçons et les filles de mon âge, connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour? Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux, sans peur du lendemain. Le jour où je n'aurai plus du tout la même peine, le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime. Tous les garçons et les filles signés Françoise Hardy, Philippe Catherine et Pyjama ont délivré le dernier message personnel de cette soirée, création de l'Hyper Weekend Festival qui connaîtra une suite, l'acte 2, au printemps de Bourges le 24 avril prochain. Merci au public de l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique, merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis en direct et bien sûr un énorme bravo aux artistes qui ont lancé des ronds dans l'eau, Sage, Albin de la Simone, Clara Luciani, Kerenan, Hubert Lenoir, November Ultra, Philippe Catherine, Pyjama, PR2B, Théodora, Thomas Dutronc, Voyou et je n'oublie pas les Astral Bakers. Merci à Stéphane Le Guenec qui signait ce soir la réalisation, à Elsa Béranger pour la préparation, à la technique, Marie Le Peintre, merci à Jocelyn Perrotin et bien sûr bravo Didier Varro dont la jeunesse ne fout jamais le camp. Un grand bravo aussi aux équipes de Radio France, Aurélie Kaufmann, Alain Fauché, Raja Boujni et Mathilde Maltaverne. Un grand bravo à l'équipe technique, c'est Dominique Fournier, Nathan Levalard, Pierrick Charles, Romain Lenoir, Nicolas Depagraphe. Voilà, la soirée fut sage et hardie. Bonsoir.